Dans mon pays, des feux de brousse dévastent des centaines d'hectares de forêt. Juste derrière chez moi, la montagne des sources se consume, inexorablement. À la télé, on parle de drame humain, de catastrophe écologique. Plus aucun moyen de contacter mon père qui vit là-bas, ni de savoir où les flammes se sont arrêtées. Il paraît que là-bas, la population est complètement désarmée, pas du tout préparée. Partout on prie, en attendant la pluie. D'ici, les informations parviennent au compte-gouttes. Elles me laissent sans voix. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Me voilà donc dans l'avion. Comme une vraie touriste européenne, j'espère avoir droit moi aussi au collier de fleurs de tiare. Ça a l'air bête, mais c'est vraiment important. Mais que reste-t-il au juste de ce pays qui n'existe plus que dans mon imaginaire? Que reste-t-il de cette famille que je ne peux même plus embrasser et des maigres échanges avec mon père? Sommes-nous déjà devenus des étrangers l'un pour l'autre? J'ai peur de ne pas le reconnaître. Égoïstement, j'aurais aimé figer le pays tout entier dans une carte postale, comme celle qu'on vend dans les Curios, mais avec mon papa dedans. Ici, c'est le bord de mer, avec le lagon bleu-vert devant et les poissons multicolores dedans. Là, la montagne de terre rouge, imposante et merveilleuse, avec la grande route tout autour. Et tout au bout de cette route, juste avant le creek, c'est ma maison. Je sais que j'ai changé moi aussi. Je me demande combien de temps il nous faudra avant qu'on puisse à nouveau se regarder sans honte, se parler sans préjugés, se toucher sans crainte. Et si tout avait déjà disparu? Comment pourrais-je encore en parler? Ma première nuit me renvoie 20 ans en arrière, au moment des événements. Dans ce climat de guerre civile, j'entends le cagou m'appeler. Il me crie la rage des Kanaks. Ils se battent pour récupérer leur terre et leur identité. Ce cagou me rappelle aussi ma honte, celle d'être née blanche dans un pays qui appartient à un peuple noir. J'aurais aussi pu ne jamais y revenir. Peut-être est-ce pour cela que je construis ma vie à l'autre bout du monde. Peut-être pas. Si les aboiements de cet être mystérieux disent la tourmente de tout un pays, sa présence m'apaise aussi. Cette nuit, j'entends l'appel du cagou. Je vais avoir 30 ans. Il est vraiment temps que je le sache. Que se passe-t-il au juste, derrière chez moi? Tu prends quoi, toi, du thé ou du café? Café. Tu vas manger tout de suite ou maintenant? Oui, je vais manger maintenant. Je vais aller enregistrer les autos avant qu'il y ait trop de voitures. Combien de café tu veux? Il est pas trop costaud. Hein. Avec deux. Tu t'as entendu, hein? Il y a un oiseau là, un truc qui fait comme un âne. Qui fait quoi? Comme un âne. T'as pas entendu? Il y a un truc au milieu de la nuit, enfin le matin, qui fait... Comme un âne qui va faire i-an, mais il fait que le i. Non, mais c'est le chien à côté. Il est toujours en train de gueuler, il se grappille. J'ai aidé avec Jacqueline. Il a un problème, ce club-là. Il a mal. Et si c'était le cagou? Il me l'aurait dit ou pas? En tout cas, il y a 20 ans, coup de fusil ou pas, il m'aurait jamais laissé sortir comme ça dans le jardin. C'était bien trop dangereux pour une petite blanche comme moi. Il a peut-être oublié tout ça. À moins que lui aussi préfère ne pas en parler. Un tabou de plus dans ce pays du non-dit. Comme si notre silence pouvait maintenir une tranquillité apparente, bien plus vivable pour tout le monde. Pourtant, des mots résonnent encore. Et des silences aussi. Comme des hurlements dans la nuit. Comme le cri du cagou au petit matin. Regarde là-haut maintenant. Regarde la montagne. Regarde la montagne, tout oui, là-haut. Oui, la là-haut. Montagne. Regarde. Je vois plus rien. Tu vois pas la montagne là-haut? Regarde bien. Eh oui, à moi de regarder. Toi, tous les niaoulis morts. Tu les vois, les niaoulis morts? Oui. Regarde tous les niaoulis qui sont on morts. On voit en gris. Bah, là-haut, ils sont morts, ils ont brûlé. Mais je vais marcher, je vais aller voir derrière. Quoi? Tu rigoles pour aller. T'as vu le fanion jaune là? Oui. Regarde là-haut. T'es pas près de... C'est trop loin. Et les cagous, tu les entends plus? Oh, il n'y a plus rien. Il y en avait avant, quand j'étais petite, j'en entendais derrière la maison à Nouméa. Et puis on avait à Nouméa. Bah, à Nouméa, mais non, c'était le mec qui faisait l'élevage, là. Je décide donc de partir à la recherche du cagou, sans savoir exactement où me mènera cette quête. Le voyage commence ici, dans la forêt sèche, juste derrière chez moi. Me voilà parti pour une exploration de la savane à Niaouli, claquette aux pieds, en évitant les nids de guêpes jaunes et les herbes coupantes. Tout a changé. Je ne sais plus rien de cet endroit rongé par les flammes. Je ne sais même plus exactement où je suis, ni comment je dois marcher. Qu'est-ce que je fais là? Tout tourne. Jean-Marc travaille au parc naturel de la Rivière Bleue. Des cagous, il en croise tous les jours ici. Avec lui, c'est sûr, je ne pourrais pas passer à côté. Il est aussi calédonien, un vrai du pays. Je suis en train de chercher... Voilà l'oiseau moine qui nous regarde là-haut. Et l'oriquet, toujours aussi bruyant. C'est un animal très curieux, le cagou, parce qu'en fait, s'il me voit, j'ai essayé, ça marche pas à tous les coups, mais s'il me voit gratter le sol, il risque de venir vers nous. S'approcher, voir s'il est par là. Pas très farouche comme petit oiseau. Le notou. Plus gros pigeon frugivore qui vole au monde. Endémique, bien sûr. Il est encore là ? Oui. Les oiseaux sont en général très curieux. On n'a pas croisé de cagou depuis tout à l'heure, hein ? Non. Mais je crois que je l'ai repéré. On va essayer de s'approcher, voir. Il y en a peut-être là, justement. Il est où ? Loin peut-être. Il y en a, on a en Nouvelle-Calédonie les plus grandes fougères arborescentes au monde. Et si je ne me trompe pas, celle-ci est ce qu'on appelle une liane bélier. Ça, ça fait une. Des magnifiques inflorescences orange. Et alors là, lorsque c'est la saison des fleurs, au mois d'octobre, novembre, tous les oiseaux viennent dedans pour se nourrir. J'ai suivi les pas du gardien dans cette forêt humide et dense. Sous des parapluies de verdure, j'ai découvert des kaoris géants, des fougères chevelues, des fourmis grosses comme le pouce, des lichens fluorescents, des oiseaux arc-en-ciel et des fleurs qui poussent à même l'écorce. J'y ai vu des banyans aussi imposants que des cathédrales, et des jardins suspendus à 40 mètres de hauteur, abritant des forêts entières. Et aussi des dizaines d'oiseaux endémiques et menacés d'extinction, comme le petit lop floufou, un pigeon au plumage vert qui, lorsqu'il s'envole, fait flou flou flou flou flou. La nuit tombe déjà. Étourdi par toute cette effervescence, je décide de rester campé ici, au bord de la rivière bleue. Abrité sous ma tente, j'écoute ce monde étrange s'animer. Je n'ai toujours pas trouvé mon cagou. Pourtant, je l'ai bien entendu. Cet oiseau fantastique est l'ami de tous les Calédoniens, toutes ethnies confondues. Notre unique emblème, pour autant qu'il y en ait. Comment ai-je pu croire qu'il suffirait de remuer la terre pour qu'il apparaisse comme par enchantement ? Je repense à la première fois où j'ai entendu son cri, aux événements. J'en tremble encore. Il y a 20 ans, nos peuples en guerre se serraient enfin la main. 20 ans exactement. Un fils de colon et un frère Kanak posaient les accords qui allaient construire notre destin commun. Juste une poignée de main. Je me demande si les choses ont vraiment changé depuis. À 20 ans, on est censé être indépendant, non ? Mais sommes-nous tout à fait prêts à affronter le monde ? et toute cette agitation autour. J'ai peur. Je voudrais me faire toute petite. Number. Come over. Psst, psst. Number. Hey. Tu vas où? Hey, tu vas où? Comment tu t'appelles? Elija. Eh, c'est pas chez toi ici. Je te vois pas. On dirait que t'es invisible. Non. C'est normal que je te vois pas. Non. Bonjour. À bientôt. Cagou. T'es là. Cagou. Mais c'est qui, là? Hein? Tu fais quoi, là? Tu veux quoi? Je t'entends, mais je te vois pas. Tu es où? Partout, là. Tu vois bien? Je te vois pas, non. Écoute seulement. Depuis quand on a besoin de voir pour comprendre? Alors, dis-moi qui tu es, au moins. Je suis un oiseau. Mais je ne vole pas. J'ai des yeux énormes, mais je vois rien la nuit. Quand je crie, on dit que j'aboie. Mais au fond, tu sais très bien qui je suis. Te le dire ne servira à rien, puisque personne sur cette île ne me nomme de la même façon. Je suis l'emblème d'un pays qui n'a toujours pas de nom, ni de drapeau, ni d'hymne. Finalement, je n'existe que sur les timbres-postes ou les paréos chinois vendus aux touristes. Je suis une chimère. Mais qui croit encore à ces choses-là? Va parler aux canailles. Eux, ils ont des choses à te dire. C'est pas en restant de ce côté-là bien confortable que tu pourras prétendre connaître ton pays. Pourquoi crois-tu qu'il m'est parqué là, dans une réserve au fin fond du territoire? Pourquoi crois-tu que je passe mon temps à aboyer comme ça, qui veut bien l'entendre? Va voir ce qui se passe derrière, de l'autre côté de la montagne. Là, tu verras qu'on a encore beaucoup de choses à se dire par ici. Beaucoup. Et encore un sacré problème sur ce caillou. On est vraiment mal barré. Tous ceux que tu croiseras sur ton chemin te le diront. Personne ne voudra t'en parler. Personne. Pays du non-dit. Pays du non-dit. Pays du non-dit. Non-dit. Non-dit. Non-dit. Moi, je vais te le dire. Ils sont en train de tout bousiller là-bas. De tout détruire. Dans le Grand Sud, là. Le Grand Sud sacré. Ah, ils ont déjà bien gratté la terre, hein? Les esprits des vieux d'avant se retournent dans leurs arbres tellement ils sont fins colère. Du coup, tu les trouves qui se baladent partout là-bas, hein? Mais qui c'est qui croit en ces choses-là? L'avenir du pays, l'évolution. Si c'est ça le développement, alors moi je veux bien rester enfermé dans ma forêt. Sinon autant se faire bouffer par les chiens. Si tu veux vraiment voir, alors va trouver la vieille là-haut, sur la montagne. Elle te racontera peut-être. De toute façon, t'es pas la seule à aller retourner la merde comme ça. Tu vas en croiser du monde sur ta route. Même des oreilles qui croient plus en la nature que les mecs d'ici. Allez, va. Allez, allez, allez, va. Ala, se l'en va. Là, il est là. Mais c'est souvent comme ça. Si on est là, on est en train de... en pleine discussion, ou... et puis il y a un papillon qui arrive par hasard comme ça. Ah, tiens. Il y a un papillon qui arrive. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui est pas loin là, qui va nous... Les vieux, ils disent que quand il arrive, quand il fait son apparition, ben, il nous annonce une nouvelle. Je demande, est-ce que tu amènes une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Et s'il s'arrête quand je vais dire une mauvaise nouvelle, ben... c'est une mauvaise nouvelle que je vais recevoir. Il y a quelque chose qui va se passer d'ici quelque temps. Quelque chose de grave. Mais c'est souvent comme ça. Parce qu'on ne sait pas comment que les baleineaux ils sont venus s'échouer là. Peut-être c'est peut-être c'est nos ancêtres, peut-être c'est l'esprit de nos vieux qui est venu dire que stop, il faut boire. Peut-être la baleine elle vient nous dire que peut-être Lucine elle va. Quand elle va s'ouvrir, ben, il n'y aura plus de... Les gens, ils vont... Enfin, les gens qui vont venir travailler ici, et puis après, il n'y aura plus de... C'est là-bas. Là-bas. Ces cris d'oiseaux et de papillons, je les cherche depuis plus de 10 ans. Moi aussi, j'ai entendu ce souffle, cette inquiétude qui remplace les mots. J'ai grandi avec une deuxième maman kanak, une troisième famille à la tribu. Je sais qu'il faut écouter nos anciens, respecter cette parole si rare. Eux savent ce que nous ne voulons plus voir. Guidée par ce souffle mystérieux et ces quelques mots, je reprends donc mon chemin, passe de l'autre côté des crêtes, pour me rendre plus au sud encore, en direction du bord de mer. Sur ma route, je croise Allé, un homme du nord. Je lui parle aussi du cagou. Ah, mais c'est bien ça. c'est un caboo qui vous parle, c'est comme si c'est mes ancêtres qui vous en parlaient. Oui, moi aussi, c'est comme si je suis venu ici, c'est pas par hasard. Parce que j'ai comme vous aussi, j'ai eu un songe. Et dans ce songe-là, au début, ils m'ont dit que la Calédonie était quoi, elle est comme un poisson. Et c'est que la tête du poisson, c'est le sud. Et la queue, c'est le nord. Et donc, pour moi, si on construit cette usine au sud, c'est-à-dire qu'on construit, on mate la tête du poisson. C'est-à-dire qu'on tue l'esprit canard, on tue la valeur du poisson. Peut-être c'est pour ça qu'on s'est rencontrés aujourd'hui ici. Au bord de mer, il y a une tribu en bas, la tribu de Goro. Moi, je vais sûrement camper en bas, puis si vous voulez, on y va ensemble, on descend ensemble en bas à la tribu. Les gens de Yaté, c'est des tribus de pêcheurs. Des gens. Et j'ai entendu que cette usine doit faire des rejets toxiques en mer. Alors j'ai bien peur pour eux, pour le poisson et tout ce qu'ils ont l'habitude de consommer. Parce qu'ils consomment beaucoup le poisson. Alors pour eux, c'est un danger, l'usine. Je suis de la commune de Wailou. Mon clan vit dans la tribu de Niawa. Et nous sommes gérés par le grand chef qui s'appelle Mendia. Et autrefois, notre rôle, à nous le clan, c'était de protéger la chefferie et aussi de pêcher pour le chef. Bon, puis comme aujourd'hui, les jeunes aussi ils n'écoutent plus les vieux. Quoi. Ils préfèrent écouter ce qu'ils disent à la télé, à la radio, que d'écouter ce que les vieux disent. Quoi. Et c'est par rapport à ce manque de confiance que les vieux ont préféré mourir avec leur savoir que de donner. Quoi. Parce qu'ils savaient que les jeunes ne comprendront jamais. Et j'ai vraiment, une chose que j'ai remarqué, c'est que nos vieux connaissaient beaucoup de choses. En fin de compte, nous pensons, nous, Kanak, en fin de compte, nous et la nature, nous faisons qu'un. Je ne vois pas la différence entre moi et un oiseau ou moi et un arbre. On est tous pareils. On est là pour jouer un rôle bien précis sur Terre. La Terre, elle est mère. La Terre, elle est notre mère. C'est tout. C'est pour ça que, pour moi, la forêt, c'est chez moi. Quoi. C'est... Maintenant, par rapport à l'évolution, c'est dans la forêt, je me sens mieux. Je sais que mes ancêtres sont là. Quoi. Tout ça pour dire qu'en fin de compte, la forêt pour nous est tabou. Quoi. La forêt, tout ce qui est dans la nature pour nous est tabou. Et donc pour nous, chez nous le canard, voilà, ce qu'on appelle tabou, c'est ce qui te protège contre l'esprit. Et donc chaque clan a choisi un bois dans la forêt. Mais tous les bois en fin de compte, tous les bois chez nous sont tabous. On n'a pas le droit de détruire, c'est vrai. On n'a pas le droit de les approcher aussi, on les respecte. Il se passe que voilà, les gens maintenant, ils vont dans les forêts, ils coupent ces bois-là, en fin de compte, des bois qui sont tabous. C'est l'économie, c'est le système, et donc les gens sont rentrés dedans. Des fois, ils sacrifient leur culture, comme ça, c'est... Mais eux, au fond d'eux, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de très grave. Ouais. Mais ils ne le montrent pas. Il faut qu'ils le replantent un an dans la place. Et donc, l'équilibre, moi, je le trouve à ce niveau-là. Pour qu'on ne voit plus les montagnes blessées comme on voit là, toutes les cicatrices partout. Là. J'y suis enfin, à la tribu, dans cet endroit qui n'existe qu'ici et nulle part ailleurs. Ici, il suffit de tendre la main pour manger une langouste, une papaye ou une poignée de litchi. Ici, les marmites de fonte cuisent en permanence leur lot d'igname, de taro, de manioc ou de patates douces cuites au lait de coco. Ici, les femmes s'assoient à même l'herbe, pour tresser des nattes en fibres de pandanus qu'elles sèchent ensuite au feu de bois, entre deux éclats de rire. De leurs robes à fleurs colorées s'échappent ces poitrines qui ont nourri indifféremment tous ces enfants tout autour. Il n'y a rien de plus doux que le sourire édenté et généreux de ces vieilles-là, les ngé, les wawa, à la peau de pêche et au teint toujours brillant. Sous les grandes chaleurs de janvier, je rejoins les femmes à l'ombre des pins colonnaires, non loin du creek qui borde la tribu. Bercées par l'odeur de cette natte, de ce gazon, et de ces fleurs de tiare déposées nonchalamment juste à côté de moi, je cherche une dernière fois la mer du regard, avant de sombrer tout à fait. Voilà bien le seul endroit où je peux encore m'assoupir, offerte au regard de tous et à la pudeur de celle qui veille en silence. Le temps s'est arrêté ici. J'ai vécu paisiblement au rythme du soleil, des marées, du travail au champ et du départ des hommes vers l'usine mangeuse de bras. J'aurais aussi pu m'arrêter là. Je voudrais tout garder. La grande case familiale, la douche dans la rivière, le feu pour manger, l'insouciance. Je voudrais aussi pouvoir retenir ces hommes dans leur famille. Si j'étais à leur place, je me demande ce que je choisirais. Sur la question, les clans sont divisés. J'ai donc consulté le seul homme qui peut s'exprimer au nom de tous, le garant de l'unité de la tribu, le chef. Sa parole, simple et douce, est l'âme de la culture kanak. C'est une promesse que l'on ne reprend jamais. À ceux qui l'écoutent encore, elle dit que le kanak qui ne cultive pas sa terre n'est pas un homme. Elle dit aussi que seule une tribu unie et obéissante peut décider de son destin. J'ai reçu cette parole du dernier chef kanak de la région, le dernier. Elle résonne encore, attisée par ce souffle qui n'en finit plus de m'appeler et par ce vent qui porte à mes oreilles des silences et des mots tabous. Avant que tout disparaisse, je me décide enfin à aller voir ce qui se cache derrière cette carte postale. Sur ma route, je croise Bernard, un naturaliste passionné venu d'un autre pays, à mi-chemin entre le scientifique, le poète et le fou. Voilà, vous entendez les boîtes de bière, il y en a des centaines. Il faut slalomer entre les charognes, les couches culottes, les boîtes de bière et les, les vidanges sauvages d'huile brûlée. Voilà, un vieil ordinateur, par exemple. Il y a de tout. Bon, on n'a pas trop envie de s'y promener parce que c'est pas très accueillant. La destruction quasi générale vient aussi beaucoup de cet aspect extérieur qui n'est pas accueillant. Un milieu qui n'est pas accueillant, on n'a pas envie de le conserver. Et j'ai été immensément heureux de savoir qu'il existait encore un petit peu de nature sauvage préservée au sein de ce rouleau compresseur de l'industrialisation. C'est un tout petit coin préservé, à l'écart. On entend quand même le grondement de la circulation au loin, mais ici, c'est quand même un petit coin qui est préservé. Et voilà notre petit Philanthus. Il est là, il est là, il est là. Parce que ce petit Philanthus là, malheureusement, il était déjà considéré comme disparu. Les spécialistes avaient déjà fait une croix dessus, mais j'ai quand même révélé son existence ici. C'est joli comme tout là. Ouais. Bon ben, je suis content qu'on ait quand même pu faire quelque chose. Il reste encore des choses à sauver dans le sud ? Bah, si on veut sauver des choses dans le sud, il faut d'abord qu'on fasse arrêter l'énorme mastodonte. Et après, on pourra peut-être en parler. Pour l'instant, on ne sauve pas, on détruit. Vous seriez plutôt à m'encourager à aller voir ce qui se passe là-bas ou à me dire non. Ben, ça risque de vous déprimer totalement. Parce que moi, à chaque fois que j'y mets les pieds, j'en ressors pas intact. Mm-hmm. Ouais. Quand on est dans sur l'emplacement de la future usine, on a tout à fait l'impression d'être sur la planète Mars. Le sol est rouge partout. Il y a des centaines d'engins qui œuvrent dans tous les sens. Et puis la nature, on la voit plus que le vert, on ne le voit plus que dans le fond, sur les collines. Mais tout a disparu. Me voilà dans le grand sud. C'est sur cette terre rouge si caractéristique que pullule notre or vert, ce nickel qui a fait la richesse du pays. Il prospère sous sa cuirasse de fer oxydé, couverte de petits cailloux très aigus, de petites billes de métaux lourds et de poisons volatiles. À quelques pas seulement, les hommes ont érigé un grand barrage électrique et englouti la vallée tout entière. Ici, désormais, la plaine des lacs reflète avec mélancolie la lumière d'un ciel tourmenté. Je demeure fascinée par la pureté de ces eaux, si limpides, si fraîches, par ces lacs aussi grands qu'un miroir de poche ou qu'un petit océan. Ici, les fleurs fragiles et blanches se révèlent rugueuses et poilues. Les feuilles sont si dures qu'elles ont l'air d'être en plastique, presque incassables. Avec le temps, même le bois se pétrifie. Ici, tout doit résister. Rien ne peut mourir tout à fait. Un frisson m'inonde alors que je contemple la forêt, noyée, blanchie, dont il ne reste que ces arbres statifiés dans leur plus simple appareil. Mon regard plonge le long de ces racines immergées dans les ténèbres. Je pourrais m'enfoncer avec elle et rester ici, enfin, pour toujours. Et si je décidais de revenir vivre dans mon pays, est-ce que je verrais encore les choses de la même manière? Est-ce que je serais encore capable de profiter du paysage et de ses richesses en fermant les yeux sur d'autres réalités bien moins attractives? Comme tout le monde ici, surtout ne rien dire, ne même pas y penser. Non, quelque chose m'appelle au loin, de l'autre côté du miroir. Une saignée de terre rouge dans un écrin de verdure, une montagne éventrée. Est-ce le vestige d'une mine abandonnée ou le tracé de la future usine? La voilà, la réalité du monde kanak. à un horizon où stigmates et lésions se creusent, jour après jour, et sans discernement. Je parle de tout ce que j'ai vu à Denis. Il accepte de me conduire à la pointe sud du pays, en direction de la nouvelle usine. Denis milite aussi contre l'industriel minier au sein du comité Rebounou, l'œil du poisson dans la langue du sud. Ce combat du pot de terre contre le pot de fer dure depuis 7 ans déjà. Le chantier de l'usine, lui, est sur le point de s'achever. Ça te fait quoi, toi, tout ça, quand tu balades comme ça, ici? J'ai pas envie d'aller. J'ai pas envie de voir la mine. C'est triste. Là, c'est rien encore, mais c'est quand on va sortir de l'autre côté. C'est plus vert comme ça, c'est tout marron. Ça, la plupart des gens ici, ils regardent pas ça, ils sont inconscients. C'est joli, c'est là le point de vue. Pour ici, ouais. C'est un point de vue pour la mine, c'est juste en haut. Voilà, tu vois bien la réserve aussi. On va s'arrêter un peu aussi. Ouais. Ah, l'île des Pins. Oh, ah oui. Dans ce même lagon, à peine classé par l'UNESCO, l'usine Goro Nickel construit son grand tuyau. C'est par là qu'elle rejettera en pleine mer ses résidus toxiques, ses métaux lourds, sa poussière rouge. On a un super point de vue juste derrière nous, vraiment idyllique, quoi. Avec la baie, les eaux bleues, la vallée. Ici, juste en face de l'île des Pins. Ça fait un peu carte postale comme paysage. Hein. Dans cette région, ce sont les baleines qui indiquent le jour propice à la plantation des tubercules. Mais on entend déjà des bip-bip de l'autre côté de la colline. Hein. Cette année, elles ont laissé leurs petits baleineaux s'échouer sur le rivage. Les grands prédateurs blancs les ont dévorés. Sans vergogne. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la traditionnelle grande fête de l'igname. Donc là, c'est uniquement la centrale électrique. Et les femmes ne sont plus au rendez-vous des préparatifs. La mine, c'est de l'autre côté du bois tabou. Les clans sont divisés. Bon, c'est bon, il n'y a pas les flics. D'habitude, ils sont au croisement là-bas. Qu'est-ce qu'ils font les flics quand ils se mettent là? Oh, ils font des contrôles. Depuis le mois d'avril, quoi. Les événements de Rebounou. Là, il y avait un camp, un barrage, quoi. On restait là avec comment on dit ça? Slongan. Avec les cailloux sur la route. Et après, ils nous ont chargés. On a volé des camions, des voitures, on a mis le feu un peu partout. Puis quand ça devenait chaud, quoi, avec les mobiles, mais on a dit aux femmes de rester en bas, à la tribu. On n'est arrivé à rien. Juste arrivé à s'en sortir avec des tables rondes jusqu'à maintenant, même pas ce qu'on voulait. Quoi. Pour l'environnement, puis tout ça. Enfin, on verra si ça avance pas vraiment, s'il n'y a pas à négocier, mais on remonte sur le terrain. Ouais, non, sinon la mine là, tout déstabilisé niveau Trimbal. C'est rare maintenant que les mecs sont à la pêche, au champ. Il y a juste que les oubliés, quoi, les. Mais ils ont du mal à trouver du travail. Enfin, les mecs comme nous, quoi. Ils veulent pas vous engager, la société? Pourtant, on a tout fait. Les CV, tout, les demandes. Passer les concours, mais ouais. Ils prennent ceux qui posent pas trop de questions, qui en savent rien de l'environnement, du projet. Tu fais partie des oubliés, alors? Ouais. Et ton emploi de rêve à toi, là, pour l'instant, ce serait quoi, alors? Ambulancier. vigilants. Tout un, c'est un camp militaire maintenant, c'est plus une mine. Mais merde, le bois tabou. C'est de l'autre côté. Jusqu'à nous interdire d'aller voir notre bois tabou là. Denis voulait me conduire au pied du bois tabou. Ce bois sacré a été planté là par les chefs kanaks de tout le pays. Tu peux pas y aller, t'as pas le droit de franchir cet endroit-là. Ce symbole fort représente leur volonté commune de s'opposer à la destruction de leur équilibre et de leur identité. En sifflant face aux vents ascendants, ils s'adressent à tous les clans, à tout le pays. Avenjaru. Ce tabou, je ne le verrai jamais. Son souffle que je croyais entendre, je m'y suis agrippée pour continuer à croire et à voyager. Mais aujourd'hui, Kanak ou pas, peu d'entre nous ont trouvé le courage de le faire exister. Au bout de ma quête, j'ai vu mon pays se construire, sans moi, et à mille lieues de ce que j'aurais voulu. À croire que parmi tant de richesses naturelles, ces mines et ces usines cachées derrière nos montagnes seraient notre unique projet de paix. Dans l'avion du retour, la dernière image que je remporterai de Kanaki Nouvelle-Calédonie est celle de cette gigantesque plaie, juste derrière chez moi. Le plus grand chantier chimique au monde, face au plus beau lagon du monde. Vois-tu cette fleur qui ne fleurira plus jamais, car il a le malheur de ne pas être aimé. Vois-tu cette rivière qui ne coulera plus jamais, c'est comme le corbeau, il n'existera plus jamais. Ma nature, aïe aïe, ma nature. Ma nature, aïe aïe, ma nature. C'était Derrière chez moi, une réalisation de Karine Demange. Montage, Magali Scurmans. Mixage, Axel Antoine. Avec les voix de Charlie Demange, Naomi Mi, Charles Porimpoya, Jean-Marc Mériot, Jean Boisserie, Marthe Atti, Alphonse Ribéary, Bernard Suprin, Denis Atti et Elitja. Musique originale, Hervé Lecrin et Olivier Bilou. Un projet d'Atanor Productions, coproduit par l'Atelier de création sonore radiophonique. Merci à toutes les voix, à Cathy Porimpoya, à Juju, Vivi, Wawa et les clans de la chefferie Tuaoru, aux bandes de Goapin et du Faubourg Blanchot pour leur soutien, ainsi qu'à Anne Closset, Carmelo Iannuzzo, Magali Scurmans, Pascal Tison et Samuel Mittelmann pour leurs grandes oreilles. Une création sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet du Côté des Ondes, soutenue par la RTBF, la SACD, la SCAM et la promotion des lettres, avec l'appui du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Communauté française de Belgique.